Le huitième jour, l'appel retentit. Aaron s'avance, le peuple aussi. Devant l'autel, tout est préparé. Le moment vient de s'approcher. L'offrande monte dans le feu, selon la parole de l'Éternel fidèle. Chaque geste devient un aveu que Dieu règne au milieu d'Israël. Alors tout se tait. Le ciel s'ouvre enfin et la gloire descend sur nous. Le feu de Dieu nous entoure, sa présence. Ta gloire est là.